Isanganiro. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée du 13 mai de cette année. D'abord ses principaux titres. Célébration ce 13 mai de la fête d'ascension de Jésus-Christ chez les chrétiens du monde entier et celle d'Idd el-Fitr chez les musulmans. Après 4 ans de service, les agents du programme national de subvention des engrais chimiques au Burundi, employés du COPEC de la province de Muyinga, sont obligés de signer un contrat saisonnier alors qu'ils étaient en attente d'un contrat à durée indéterminée. Qu'en dit la direction générale de la FENACOBU, c'est dans les détails de ce journal. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'amour et le respect des commandements de Dieu sont des piliers du chrétien pour s'approcher de Dieu, point de vue de certains chrétiens de la ville de Bujumbura. Au moment où ce jeudi, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête d'ascension de Jésus-Christ. Suivez-les au micro de Jean-Marie Mayonga. Aujourd'hui, comme nous le savons, nous fêtons l'ascension du Seigneur. Jésus est monté au ciel pour nous préparer la place. C'est lui-même qui nous a dit « Je monte vers mon Père et votre Père pour vous préparer les places parce que ici sur terre, ce n'est pas notre demeure. » Tous les chrétiens alors sont appelés à se préparer en faisant les commandements de Dieu et surtout le commandement d'amour, à partager avec ceux qu'on a, ceux qui n'en ont pas, pour qu'un jour nous rencontrons notre Seigneur Jésus dans le royaume des cieux. C'est parce que ici sur terre, ce n'est pas notre demeure, c'est le passage, nous passons pour entrer dans le royaume des cieux où il y a tout, où nous n'avons pas besoin de nourriture, de boissons, de quoi, mais nous allons regarder et contempler la splendeur de Dieu, comme ça avec nos confrères, nos consoeurs, nous louons le Seigneur du jour au jour. Nous nous réjouissons de cette ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a dit « Tout ce que vous avez fait parmi ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous espérons que nous aussi, il nous résistera et un jour nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi tous les chrétiens aujourd'hui se réunissent dans l'église pour fêter cette ascension du Seigneur. Cette fête de l'ascension du Seigneur nous rappelle la montée de Jésus au ciel. Aussi, cette fête, nous la célébrons 40 jours après la fête de Pâques. Cette fête nous donne l'espérance que Jésus a monté au ciel et aussi nous aussi qu'il est allé au ciel pour nous préparer une place. Donc ça donne l'espérance qu'après la résurrection, nous aussi nous serons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Ce qu'il faut faire les chrétiens, donc il faut parcourir au chemin de la conversion, changer des attitudes, aussi être baptisé. Alors que dans la lecture d'aujourd'hui, on nous a appelé que celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui est baptisé doit changer de comportement, éviter les péchés, tout ce qui aussi déplaît au Seigneur. Il faut aussi se confesser pour être en bonne collaboration avec le Seigneur parce que loin de Dieu n'est que peine et misère et les péchés nous éloignent de Dieu. C'est pour laquelle tous les chrétiens doivent essayer de se confesser et mériter mettre en pratique la parole de Dieu, compris les commandements. Et des musulmans du Burundi se sont joints aux autres du monde entier ce jeudi pour célébrer la fête d'Idd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Un des organisateurs des festivités, Abdi Salam, appelle les musulmans à un bon comportement après ce mois et à préserver la paix. Suivez-le. La signification de la journée d'aujourd'hui, tout d'abord, nous venons de terminer le mois béni du Ramadan, le mois qui nous enseigne beaucoup, qui nous enseigne l'amour, qui nous enseigne de laisser les fautes que nous faisons. Alors, la signification de cette journée, c'est de montrer ce que nous avons appris pendant ce mois. Pour cette journée, tout musulman qui a peu ou bien qui a beaucoup est obligé de partager ce qu'il a avec les pauvres. C'est ça la signification de ce jour. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans priaient beaucoup, ils invoquaient beaucoup Dieu. Alors, après le mois Ramadan, on les demande de garder le même comportement, de continuer avec l'habitude qu'ils avaient au cours du mois de Ramadan. Alors, le musulman qui a bien prié pendant le mois de Ramadan est obligé de rester avec les mêmes habitudes qu'il aille le mois du Ramadan. Qu'il ne change pas, qu'il reste avec sa foi, avec son bon comportement durant les mois qui viennent. Un conseil que je peux donner aux musulmans qui fêtent aujourd'hui leur Eid al-Fitr, la maladie du Covid-19, que nous appelons communément coronavirus, elle est là. Je leur dis de garder les mêmes mesures que le ministère nous a données. Alors, il faut que les gens gardent les mesures que le ministère de la Santé nous a dit. Qui ne néglige pas les mesures, puisque la maladie est là, ça peut tuer. Alors, il faut garder les mêmes mesures pour que nous sauvegardions la santé dans notre pays. Des fidèles musulmans affirment qu'ils projettent festoyer avec d'autres, surtout les démunis. Suivez-les au micro baladeur de la radio Isanganiro. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande fête là. On va vraiment célébrer la fête. Comme tout musulman là où il est, il doit quand même partager tout ce qu'il a avec les pauvres et les nécessiteux. Parce que c'est la grande fête. C'est le premier jour où Allah nous autorise à prendre ce que nous voulons pendant la journée, après 30 jours de jeûne, où on était interdit de faire quoi que ce soit, même, vous voyez, même de les besoins les plus naturels qu'ils soient, et c'était interdit de les faire avec nos épouses. Mais maintenant, c'est le premier jour de la célébration de cette fête et nous comptons beaucoup vraiment la célébrer avec tout le monde dans la joie et dans l'allégresse. Bon, aujourd'hui, nous célébrons cette fête et comme le prophète Mohammed sallam nous a indiqué, bon, il faut tout d'abord mener la paix. La première chose, c'est l'ibada qu'on a fait. Donc, la prière de Idi et suivre les mawaïza, donc le discours du mufti. Autre chose, c'est le partage en famille, le partage avec les voisins, ce qu'on a. Ajoutons aussi troisième chose, et saluer les amis et les connaissances. Il est 13h passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. Les agents du programme national de subvention des engrais chimiques au Burundi, PNCEB, œuvrant dans l'écopec d'Omuyinga, sont dans l'angoisse. Ils font savoir que la FENACOBU leur impose pour le moment un contrat saisonnier, alors qu'ils attendaient plutôt un contrat à durée indéterminée. Après 4 ans de service, la direction générale de la FENACOBU précise quant à elle que ce contrat s'inspire du nouveau code du travail du 24 novembre 2020. Pierre Claver à Barundi. L'angoisse règne chez les agents du programme national de subvention des engrais au Burundi, œuvrant dans les différentes COPEC de Muyinga. Et pour cause, ils sont obligés de signer un contrat contesté ou de remettre le tablier. Leur rôle est d'accueillir les agriculteurs qui veulent payer pour les engrais subventionnés par l'État. Selon ces agents, la FENACOBU leur impose un contrat saisonnier à la place du contrat temporaire qu'ils avaient. Certains ont déjà servi pendant 3 ans révolus, signant ainsi 3 contrats. D'après eux, le 4 devrait plutôt être à délai indéfini. N'étant pas écouté par la direction générale de la FENACOBU, ses agents disent avoir porté l'affaire au tribunal du travail, mais qu'elle est restée en délibéré. Ce qui les étonne davantage, c'est que la FENACOBU a choisi ce moment pour faire signer ce contrat. La direction générale de la FENACOBU, par différents messages adressés aux gérants des COPEC de Muyinga, indique que ce contrat fait suite à la révision du code du travail intervenue le 24 novembre 2020. Elle rappelle par ailleurs que ces agents ne sont employés que pour les opérations relatives aux engrais. Pour le moment, ces agents comptent sur l'intervention du président de la République à qui ils ont adressé les doléances dans leur correspondance du 7 courant. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Barundi. Lutter contre la pauvreté à travers l'élevage des porcs et des chèvres est un travail effectué dans les différentes provinces du pays par le projet d'intensification de la production agricole et de la réduction de la vulnérabilité au Burundi, PIPA RV en sigle, pour améliorer le quotidien des citoyens les plus vulnérables. C'est dans ce cadre que ce projet a octroyé son crédit des porcelets aux habitants les plus démunis dans les différentes sur les différentes collines de la commune Kayanza. Les détails avec Didier Nyonzima. 32 porcs de race large white ont été distribués par colline aux habitants les plus vulnérables sur les collines cibles de la commune Kayanza. Ndayisenga Vere d'Adoletini Debatwa, vivant sur la colline Kinga, est l'un des bénéficiaires. Elle exprime sa gratitude tout en espérant que le porc qu'elle vient d'acquérir va améliorer son quotidien. J'ai déjà compris que cela va être bénéfique pour moi. Je cultivais, mais la récolte était médiocre parce que je manquais de fumier. Maintenant, comme je viens d'avoir un porc qui va me donner du fumier. Cela me permettra d'avoir une bonne récolte et ainsi réduire la pauvreté. Corneille Nibaruta, chargée des opérations pour Pipar VB, fait savoir que ce projet privilégie les citoyens les plus vulnérables et vise le renforcement des chaînes de solidarité communautaire porcine et caprine pour éradiquer la vulnérabilité sur les collines cibles. Le projet Pipar VB, c'est un projet du gouvernement du Burundi sur financement du Fonds international de développement agricole FIDA. Ce projet a pour objectif d'améliorer la production et de réduire la vulnérabilité. Parmi les stratégies d'augmentation de la production, de réduction de la vulnérabilité figure le renforcement de la chaîne de solidarité communautaire porcine, mais aussi caprine dans les collines cibles. Les groupes cibles sont essentiellement constitués par les ménages vulnérables. En plus de la distribution des porcs, Pipar VB a aussi octroyé des smartphones et des bicyclettes aux vétérinaires collinaires des collines cibles de la commune Kayanza. Manirakiza Paskazi est l'un d'eux. Elle dit que ce kit va l'aider à accomplir sa tâche mieux qu'avant. Le téléphone me permettra de demander de l'aide à mes collègues. Si une maladie ou tout autre problème de santé que je trouve sur le bétail, la bicyclette m'aidera à me déplacer rapidement pour aller chez un éleveur qui demande des soins de santé pour son bétail. Le projet Pipar VB intervient dans les provinces de Gitega, Karusi, Muyinga, Ngozi et Kayanza et dans 24 communes de celles-ci. Merci. Didier Nyonzima, plus de 200 maisons des habitants du secteur Nyarouli de la colline et Buhora en commune et Mabaye de la province Chibitoke ont été détruites il y a une semaine. Ces habitants accusent l'administrateur communal d'être derrière ces actes. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits, affirmant que ces terres leur appartiennent. Et l'administrateur de la commune Mabaye Nicodème Ndahabonimana avance que ses habitants se sont appropriés des terres domaniales sans aucune autorisation. Il rassure cependant que la situation sera mise en ordre, expliquant que ces maisons avaient été construites dans le désordre. Annulation de la décision d'hébergement dans les centres de passation du concours des élèves et candidats à cet examen donnant accès à l'enseignement posté fondamental dans la province scolaire Rumonge. Comme dernièrement arrêté, Isaac Ndikouli, directeur de cette province scolaire, l'a annoncé ce mercredi. Il explique qu'il faut au préalable prendre toutes les précautions pour prévenir la propagation du coronavirus au sein de ses élèves. Certains parents d'élèves se disent satisfaits de cette mesure. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Adogo pour la collaboration technique. Vestine Outou, j'étais la présentation. Au revoir, bonne fête d'Ascension pour les chrétiens et fête d'Eid el-Fitr pour les musulmans.